et tranquillité, conformément établi pour la vie, le travail, la maison. Les obligations, des milliers d'ennuis reviennent comme les saisons, toujours pareil, tellement gris. C'est lundi, retiens ton cri, c'est parti pour une autre fois. Dilinda. Si un jour c'est trop pour toi et tu te sens défaillir, tu n'as plus tellement le choix, faut survivre ou en finir. Si les murs sont trop étroits et tu ne peux plus tenir, suis ton cœur pour une fois, il te dira de partir. Pour s'initier.